Allez, valet, prête-moi ton fusil. Voilà l'oiseau prêt d'abonner. Valet, valet, prête-moi ton fusil. Voilà l'oiseau prêt d'abonner. Si nous avions gagné l'oiseau, place à table et un pigeon blanc, suffisamment pour mon dîner. Mais pas si tôt la belle perçoit, chapeau en main pour me saluer. Valet, valet, prête-moi ton pigeon. La jatte à bête un pigeon blanc, suffisamment pour mon dîner. Mais pas si tôt la belle perçoit, chapeau en main pour me saluer. Hop. Hey, hey, hey. Non, non. Les gars à nous, Calico l'arrivée.